Alors bon, on va continuer donc avec les trucs et astuces de ce mois-ci. Et cette fois-ci, Ludo, tu vas commencer par un add-on. Ouais, tout à fait. Bon, j'ai que deux trucs et astuces. Le deuxième, il est vraiment très light. C'est surtout un conseil, le deuxième. Alors, pour commencer, donc Docteur Damage, c'est un add-on qui vous permet d'afficher les valeurs de vos compétences et techniques directement sur l'icône qui se trouve sur votre barre d'action. Donc, admettons, je sais pas, on prend n'importe quelle classe. Bon, on va prendre le Paladin, qui m'est venu en premier. Hein. Vous avez un sort qui s'appelle Inquisition qui permet de faire des dégâts directs avec l'arme. Et ben en fait, Docteur Damage va analyser tout ce qui est votre équipement, vos talents, vos améliorations et les debuffs sur la cible. Et en fonction de tout ça, pardon, afficher la valeur réelle que va faire en fait le sort sur votre cible. Ah, ça c'est bon ça! Voilà, donc par exemple, donc votre Inquisition, admettons, elle fait de base 100 de dégâts. Donc il va afficher 100. Si admettons votre cible à moins 50%, enfin elle se prend un debuff de plus 50% de dégâts physiques, bah en fait votre addon va mettre à jour directement la valeur sur votre interface et va afficher 150 points de dégâts. Donc là où c'est bien, c'est que ça marche non seulement pour les dégâts, ça marche également pour les soins. Donc quand vous soignez, souvent vous avez des effets réactifs qui font en sorte que vous soignez plus sur la cible. Ben, quand vous sélectionnez la cible et qu'il voit qu'il y a par exemple plus 9% de soins, ben, tous vos soins vont prendre plus 9% directement dans la barre. Donc vous allez voir qu'ils vont soigner un peu plus. Ça marche également pour le bouclier du prêtre. Par exemple là je pense au prêtre discipline, ça indique le montant de combien le sort va absorber. Et de façon générale, moi j'ai trouvé ça très intéressant pour faciliter justement vos cycles de DPS, pour savoir lequel lancer plus ou moins en priorité, lequel fait plus ou moins de dégâts. Genre vous regardez un soin ou un sort de dégâts, vous dites ouais j'ai utilisé lequel en priorité, ben là en fonction des valeurs, vous allez savoir plus ou moins lequel prioriser. Bon, ce qui est bien en plus, c'est que ça prend pas énormément de mémoire. Donc ça s'appelle Docteur Damage, donc Docteur DR, plus loin Damage, Damage, et vous le trouvez sur un peu tous les sites d'addon et notamment WoW Matrix. Le deuxième, c'est juste un petit conseil, c'est toujours plus ou moins dans les caractéristiques, c'est prenez l'habitude de lire les caractéristiques de votre fiche de personnage. Donc c'est tout con, c'est très simple. Admettons vous commencez une nouvelle classe, admettons vous commencez le chasseur, vous ne savez pas à quoi sert, si en tant que chasseur vous devez prioriser la force, l'agilité, l'intelligence, l'endurance, etc. Bon, en fait c'est très simple, vous ouvrez votre fenêtre de personnage et vous allez sur, par exemple, agilité, vous mettez le curseur de souris dessus et vous lisez la petite infobulle. C'est tout con et ça vous permet de savoir qu'est-ce que fait cette stat sur votre personnage. Bah, Tout simplement. tu me diras que c'est tout con, mais c'est vrai que j'ai remarqué que deux, trois potes, par exemple, l'air de rien, ne savaient pas qu'en passant cette souris, justement, on avait la petite infobulle qui indiquait que, par exemple, l'agi augmentait de 2 points de dégâts par un point d'agi. Donc, augmente également l'armure, etc. Et c'est vrai que c'est pratique pour savoir, justement, si on a un cap. Peut-être pas forcément un capé, mais le fait de savoir si on a assez d'agilité, assez d'endu ou je ne sais quoi, ça c'est très bien quoi. C'est vraiment un conseil que je vous conseille de suivre. Alors merci Ludo. Bah de rien, voilà, là c'est un peu plus peut-être orienté vers les débutants, mais ouais c'est vrai que c'est tout bête, en fait on n'y pense pas, mais ça parfois ça dépanne bien. Voilà pour ma part. Et donc, on va terminer par le truc et astuce d'Amandine, qui sont donc les raretés, je crois. Tout à fait. Alors, ce mois-ci, je vais vous parler de deux montures et de deux mini-pets. Alors, pour commencer, nous allons parler du cas du baron Vaillefendre, qui se trouve, comme chacun sait, à... Stratholme, l'envieux Bravo, Ludo! Stratholme. Ouais, je Il n'y en a connais qu'un par seul cœur qui suit. celui-là. Bon. Non, mais j'ai eu un lag! Ouais, c'est ça, ouais. T'as pas pu soigner? Ouais, genre. Je La soigne pas, Suisse moi, est je fais trop des loin, il n'a pas pu répondre. Bon, vas-y. Je disais donc, le baron Vaillefendre, qui, comme Ludo le disait, se trouve à l'instance de Stratholme. Qui a le bon goût de lâcher les rênes de Destrier de la Mort à 0,68% de chance. Et comme on sait que maintenant, aller voir ce gentil baron, ça prend seulement 15 minutes, à la limite quand on est seul et qu'on est balèze ou quand on est deux, moi je trouve que ça vaut relativement le coup. Bon, quand je dis 1%, c'est quand même 0,68% en vrai, mais sachant que ça n'est pas une instance héroïque, donc vous pouvez y aller 8 fois dans la même heure, c'est plutôt rentable. Et donc je sais que Ludo, toi, t'as toujours voulu avoir cette monture, mais que tu l'as jamais eue. Non, mais Et en même temps, combien de fois est-ce que t'as essayé? Bah écoute, pendant une semaine, c'était non, pendant 2 semaines, je l'ai fait environ 2 fois par jour, pendant 2 semaines complètes. Je l'ai jamais vu tomber. Puis après, j'ai un pote qui a été les 3 fois, il a looté 2 fois, donc j'étais un peu vert de rage. Mais Voilà. en plus, je l'ai refait récemment. Mais non, toujours pas. Je dis, tiens, je vais aller jusqu'au bout, mais non, hein, la monture, toujours pas. J'ai un peu les glandes, mais bon, je me console avec Minuit, le cheval d'Atumène. Ah, ce sera pour un prochain mois, celui-ci. Ouais. Donc, voilà, les reines de Destrier de la Mort, ça fait toujours classe. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a. Pourtant, ça devrait tomber facilement, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément l'envie de retourner à Stratholm parce que voilà, il n'y a pas de prestige comme si on tombait par exemple une monture sur Arthas ou sur Onyxia, et pourtant elle reste toujours aussi rare. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison directe, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes, notamment bon, le haut fait de Stratholm, on s'en fout un peu. Il y a le haut fait qui permet justement de monter exalté auprès de l'Aube d'Argent, ça va super vite à Stratholm, il suffit de récupérer votre brevet auprès des intendants de l'Aube d'Argent, si je ne me plante pas. Oui. Et ça peut justement contribuer à accomplir le haut fait du champion d'argent, je crois un truc comme ça, c'est pas mieux d'avoir le titre champion d'argent. Voilà, c'est quand vous êtes exalté auprès de l'Aube d'Argent. Et la croisade d'argent. Et de la croisade d'argent, voilà. Tout à fait. Donc ça peut être intéressant. Puis en plus, ouais, moi j'y suis retourné dans le cadre de mon enchanteur, où pour récupérer des étoffes runiques, ça va très très vite là-dessus. Dans le cadre de mon enchanteur, c'est joli. Ouais, fait, dans le cadre de monter mon enchantement, quoi, je voulais dire. Voilà, sinon pour les étoffes runiques, c'est le paradis là-bas aussi, et ça se vend très bien aux enchères. Alors, pour continuer, on enchaîne sur un boss un peu plus difficile, qui est Kael'thas, à la Terrasse des Magistères. En mode héroïque, lui, il vous laisse les rênes de son faucon pérégrin blanc rapide. Et en plus, il est vachement plus généreux que Vaillefendre, parce qu'au lieu de 0,68%, c'est pas 1, mais bien 2,68% de chance. Oh, wow. Avec la fessée qu'on lui a mis au donjon, hein. Oui, et puis en plus, il a le bon goût de la laisser tomber seulement à la terrasse, qui est une instance à 5 toute bête. Donc ça vous fait autour de 3% de chance, sachant que maintenant on peut le faire tranquillement à deux, finger in the nose, je trouve que ça vaut le coup. Tu me diras que dans le raid 25, il laisse tomber un tout autre type de monture. Hein. Oui, mais bon, tu vas pas... Oui, mais c'est un peu moins accessible quand même. Ouais, mais bon, moi je la veux et je l'aurai. Mais c'est vrai que la tradition magistère, le seul... Enfin, comment dire... Le seul obstacle majeur, je crois que c'est l'avant-dernier boss avec ses 4 rades. Elle fait assez de dégâts, elle fait beaucoup. Oui, c'est le plutôt costaud, oui. La grande prêtresse d'Elricia, il me semble. Ouais, c'est pour bon, ça que seul, en fait, maintenant. Oh. Par contre, je sais pas vous, mais moi, je déteste les autruches, les elfes de sang. Je trouve que quand ça avance, ça tremble trop, ça me donne envie de vomir à chaque fois. Bah, on en parlait l'épisode précédent, d'ailleurs. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. Bon, on coupera. Papy, okay. Ça y est, il est sénile. Je me souviens. je vous avais pas dit que je m'appelais Ludo. Et je vous ai parlé de la guerre de sécession. Pourquoi je suis au téléphone ? Alzheimer te guette, Ludo. Vous êtes qui ? Je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, donc j'en étais à Kael'thas en mode héroïque. Et si en mode héroïque, c'est un petit peu trop compliqué, en restant toujours sur Kael'thas, et en beaucoup plus accessible, parce que non seulement il suffit d'être en mode normal, mais qu'en plus les chances de drop sont trois fois supérieures, vous avez le mini-pet, le jeune phénix, qui est un très très beau mini-pet qui tombe à 6,31% de chance. Ah, en mode normal, il tombe aussi ? En mode normal sur Kael'thas. Ben, je ne le sais. Ah, c'est intéressant ça. Moi j'essaie en héroïque comme un con, une fois par jour, et ben non, bah tiens, ok. Et ben je l'ai pas mal fait aussi, apparemment en héroïque il tombe plus souvent qu'en normal, mais je suis pas particulièrement convaincue. Hein. Quoi qu'il en soit, j'y suis allée plusieurs fois pendant une semaine comme Ludo et le Dada de Bifendre et j'ai rien vu tomber du tout. Eh ben, bien fait pour toi. Merci, c'est gentil. Genre, il se nourrit du malheur des autres. Et j'ai des amis qui, dans le même temps, ils sont rentrés dans la même instance, ils sont rentrés au même moment, ils sont ressortis, ils sont retournés ensuite, chacun a eu un mini phénix. Donc, si vous êtes des gros mouleux, vous aurez potentiellement beaucoup... Non, mais c'est-à-dire qu'ils en sont allés au point où, quand ils ont fait l'instance la troisième fois, ils ont eu un jeune phénix en plus. Donc, c'est-à-dire qu'ils l'ont jeté. Donc, il a eu la gentillesse de me le linker pour montrer qu'il allait tège. Oh, l'horreur. Donc, charme. Si vous êtes un gros mouleux, virgule, entre parenthèses, je pense. Hein. Si vous êtes un gros connard... Voilà, c'est tout à fait ça. Et si vous êtes sur les sentinelles côté horde, ben, linkez-le à Amandine juste avant d'utiliser. Donc, apparemment, c'est pour certaines personnes, c'est très très facile à avoir. Mais c'est vrai que 6% de chance, ça représente un pourcentage non négligeable. Donc, normalement, ça devrait être assez facile à avoir. Donc, pour en revenir au mini-pet, je vais finir sur la fée flècheteuse. Est-ce que ça vous parle ? Ah oui, je crois que ça fait à l'as, non ? Exactement. C'est à l'ouest du camp Mojash, qui est le camp Horde. Et alors, visiblement, vous avez 1% de chance de l'avoir sur des mobs niveau 40, qui sont de simples fées flècheteuses, qui sont, vous savez, c'est... des espèces de petites choses mi-papillons, mi-dragonnets qui se baladent en volant. Des fées, quoi. Oui, enfin, les fées chez moi, c'est pas tout à fait comme ça. Des dragons féeriques. Moi, je pense à la fée clochette, quoi. La fée clochette déguisée en tant que carabosse, alors, mais toujours volante avec les petites ailes toutes petites. Enfin bref, vaut mieux aller sur place parce que la description qu'on vous fait là, on comprend rien du tout. Voilà. On vous mettra un screenshot sur les liens de l'émission. Vous cherchez sur The Dive Fée Fleshtaz et vous voyez où ça se trouve. Voilà, vous avez une petite zone à l'ouest du Komojash où il y a quelques-unes de ces bestioles et vous avez normalement 1% de chance de récupérer un œuf de fée Fleshtaz qui vous donne ce mini-pet. Alors, d'une part, 1% de chance. Apparemment, c'est censé pas être beaucoup. Je rappelle que le gel phoenix tombe à 6%, je ne l'ai jamais vu, mais la fée flècheuse, je l'ai eu. Donc, comme quoi, ça ne veut pas toujours dire grand-chose, les pourcentages. Pour les allianceux, c'est très simple, il y a une petite quête dans la zone qui vous donne l'œuf de fée flècheuse, et pour les hordeux, il faut farmer. Ah, et ça, c'est dégueulasse. C'est bien ce à quoi je pensais, parce qu'on m'avait dit que c'était suite à une quête, en fait. Mais est-ce que l'œuf est lié qu'en ramasser? Tout à fait. Si c'est suite à une quête, ouais. Eh oui, c'est dégueulasse. Non, mais que ce soit celui que tu obtiens par la quête ou celui que tu obtiens en farmant les mobs, c'est lié qu'en ramasser. D'accord. Ah oui, voilà, je voulais dire d'autre part, ce mini pet, pas de bol, il est vraiment mini, quoi. Je sais que récemment, j'ai remarqué, alors que pourtant personne n'a rien dit à ce sujet, que les mini pets ont augmenté de taille. C'est visible, j'ai l'impression que ça fait une semaine ou deux que les mini pets sont bien plus gros qu'ils ne l'étaient avant. C'est-à-dire que si vous sortez leur son du Blizzard, maintenant, ils vous arrivent en haut des genoux. Ah non, pas chez moi. Ah, c'est quasi des familiers maintenant. Enfin, sortez un cobra et vous verrez qu'il a doublé de taille. Ah bon? Il y a des mini-pets qu'on ne remarquait pas avant, qui sont maintenant bien plus visibles. Et je pense que c'est pour des mini-pets comme la fée flècheuse qu'ils ont fait ça, parce que la fée flècheuse est vraiment minuscule. Et c'est tout à fait dommage, parce que c'est un petit dragon fée plein de couleurs et très joli. Et il est tout petit, t'as l'impression d'être poursuivi par, je sais pas... Par un pixel mort. Par une mouche, tu sais. Casse-toi la mouche. Genre t'es en train de regarder ton écran, tu fais « Merde, l'écran il marche plus, j'ai un pixel mort ». Tu sais, en fait, non, c'est ton pet, tu sais. J'ai un petit bruit de « bzzz » puis un pixel mort à droite, bon, ça t'est un petit peu dommage. Parce que quand on voit la bestiole, on se dit « Tiens, ça fait une taille raisonnable », et puis une fois qu'on a le mini-pet, ouais, c'est quoi le truc qui traîne derrière toi? Bon, c'est dommage. Ou alors peut-être en utilisant les biscuits de papy ou papa Emel. Ouais, bon, c'est vrai, il faut être en gros moulu aussi, avoir la carte de butin dans les cartes à jouer et récupérer le loot, ouais, mais bon. Et donc, c'est sur la fée flècheuse que je finis cette chronique. Donc voilà, donc c'est les... Donc ne vous méprenez pas, les familiers d'Amandine, c'est soit vous les obtenez, soit vous pouvez toujours vous pendre pour en obtenir un, hein, parce que vu le temps de loot, faut s'accrocher. C'est bien pour ça qu'on appelle ça les raretés de WoW. Ouais, tout à fait. Et après reste le dilemme, est-ce que tu le revends ou est-ce que tu le gardes, voilà. Eh ben tiens, puisqu'on y est, ben en parlant de pets et de montures, ben ça va doucement glisser vers l'instant souvenir de ce mois-ci, puisque justement dans cet instant, vous pourrez obtenir non pas une mais deux montures rares. Allez, on en parle tout de suite.